FSI French Revise, Unit 1, Tape 3. Lexical Drill, B1. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Il est. Il est pressé. Français. Il est français. Ils sont. Ils sont français. Près d'ici. Ils sont près d'ici. Elle est. Elle est près d'ici. Pressée. Elle est pressée. Nous sommes. Nous sommes pressés. Lexical drill, B2. Je suis heureux d'être à Paris. Je suis heureux d'être à Paris. D'être ici. Je suis heureux d'être ici. Ils sont heureux. Ils sont heureux d'être ici. D'être en vacances. Ils sont heureux d'être en vacances. Il est heureux. Il est heureux d'être en vacances. D'être avec eux. Il est heureux d'être avec eux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être avec eux. D'être à Paris. Nous sommes heureux d'être à Paris. Je suis heureux. Je suis heureux d'être à Paris. Lexical drill, B3. Sont-ils toujours en vacances? Sont-ils toujours en vacances? Sont-elles? Sont-elles toujours en vacances? Ici? Sont-elles toujours ici? Est-il? Est-il toujours ici? Au café? Est-il toujours au café? Est-elle? Est-elle toujours au café? En vacances? Est-elle toujours en vacances? Sont-ils? Sont-ils toujours en vacances? Lexical drill, B4. Quand allez-vous au café? Quand allez-vous au café? Au restaurant. Quand allez-vous au restaurant? Allons-nous? Quand allons-nous au restaurant? Pourquoi? Pourquoi allons-nous au restaurant? À Paris. Pourquoi allons-nous à Paris? Va-t-il? Pourquoi va-t-il à Paris? Avec qui? Avec qui va-t-il à Paris? Au café. Avec qui va-t-il au café? Allez-vous? Avec qui allez-vous au café? Quand? Quand allez-vous au café? Questions on the dialogue. Comment va Jeannine? Elle va bien. Où est le frère de Jeannine? Il est à Lyon. Où sont les parents de Jeannine? Ils sont en vacances. Jeannine est pressée? Oui, elle est pressée. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Madame Durand va déjeuner au restaurant? Oui, elle va déjeuner au restaurant. Elle va déjeuner à 1 heure? Oui. Elle va déjeuner à 1 heure. Elle va déjeuner avec Jeannine. Non, elle va déjeuner avec Monsieur Lelong. Où est le café de Paris? Il est près d'ici. C'est un bon restaurant? Oui, c'est un bon restaurant. Grammar 1. Noun marker, le. Learning drills. Learning drill 1. Voilà le livre. Voilà le livre. Les livres. Voilà les livres. Le restaurant. Voilà le restaurant. Les restaurants. Voilà les restaurants. Le café. Voilà le café. Les cafés. Voilà les cafés. Learning drill 2. Voilà la porte. Voilà la porte. Les portes. Voilà les portes. La leçon. Voilà la leçon. Les leçons. Voilà les leçons. La classe. Voilà la classe. Les classes. Voilà les classes. Learning drill 3. Voilà le livre. Voilà le livre. La porte. Voilà la porte. Le restaurant. Voilà le restaurant. La leçon. Voilà la leçon. Le café. Voilà le café. La classe. Voilà la classe. Learning drill 4. Voilà le livre. Voilà le livre. L'heure. Voilà l'heure. Le restaurant. Voilà le restaurant. L'enfant. Voilà l'enfant. Le café. Voilà le café. L'ami. Voilà l'ami. Learning drill 5. Voilà l'heure. Voilà l'heure. Les heures. Voilà les heures. L'enfant. Voilà l'enfant. Les enfants. Voilà les enfants. L'ami. Voilà l'ami. Les amis. Voilà les amis. Learning drill 6. Voilà l'enfant. Voilà l'enfant. Les enfants. Voilà les enfants. La classe. Voilà la classe. Les classes. Voilà les classes. Le restaurant. Voilà le restaurant. Les restaurants. Voilà les restaurants. Les heures. Voilà les heures. Les cafés. Voilà les cafés. Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Où est la porte? Student. La voilà. Où est le restaurant? Le voilà. Où est la leçon? La voilà. Où est la classe? La voilà. Où est le café? Le voilà. Où est le livre? Le voilà. Practice drill A2. Tutor. Où est le père de Jeannine? Student. Le voilà. Où est le fils de Monsieur Leland? Le voilà. Où est la fille de Monsieur et Madame Durand? La voilà. Où est le frère de Jeannine? Le voilà. Où est la sœur de Jeannine? La voilà. Où est le père de Jeannine? Le voilà. Où est Monsieur Durand? Le voilà. Où est Mademoiselle Courtois? La voilà. Où est Madame Durand? La voilà. Practice drill A3. Tutor. Voilà le restaurant. Student. Voilà les restaurants. Voilà la classe. Voilà les classes. Voilà le frère de Jeannine. Voilà les frères de Jeannine. Voilà la sœur de Jeannine. Voilà les sœurs de Jeannine. Voilà la porte. Voilà les portes. Voilà le livre. Voilà les livres. Voilà le café. Voilà les cafés. Voilà la leçon. Voilà les leçons. Practice drill A4. Tutor. Voilà les restaurants. Student. Voilà le restaurant. Voilà les classes. Voilà la classe. Voilà les frères de Janine. Voilà le frère de Janine. Voilà les sœurs de Janine. Voilà la sœur de Janine. Voilà les portes. Voilà la porte. Voilà les livres. Voilà le livre. Voilà les cafés. Voilà le café. Voilà les leçons. Voilà la leçon. Practice drill A5. Tutor. Où sont les restaurants? Student. Les voilà. Où sont les enfants? Les voilà. Où sont les livres? Les voilà. Où sont les leçons? Les voilà. Où sont les amis de Janine? Les voilà. Où sont les parents de Janine? Les voilà. Practice drill A6. Tutor. Oui, Janine. Student. La voilà. Où sont les frères de Janine? Les voilà. Où est votre sœur? La voilà. Où est le livre? Le voilà. Où sont les livres? Les voilà. Où est le café? Le voilà. Où est la porte? La voilà. Où sont les amis de Janine? Les voilà. Practice drill A7. Où est le livre? Où est le livre? Les livres. Où sont les livres? Le café. Où est le café? Les cafés. Où sont les cafés? Les restaurants. Où sont les restaurants? La classe. Où est la classe? La porte. Où est la porte? Les portes. Où sont les portes? L'enfant. Où est l'enfant? Les enfants. Où sont les enfants? La leçon. Où est la leçon? Practice drill B1. Où est le livre? Où est le livre? Où sont? Où sont les livres? Le café. Où est le café? Où sont? Où sont les cafés? La classe. Où est la classe? Où sont? sont les classes? L'enfant. Où est l'enfant? Où sont? Où sont les enfants? La porte. Où est la porte? Practice drill B 2. Les amis de Janine sont ici. Les amis de Janine sont ici. Est à Paris. L'ami de Janine est à Paris. Les sœurs de Janine. Les sœurs de Janine sont à Paris. Est en vacances. La sœur de Janine est en vacances. Les frères de Janine. Les frères de Janine sont en vacances. Est à Lyon. Le frère de Janine est à Lyon. Les amis de Janine. Les amis de Janine sont à Lyon. Est ici. L'ami de Janine est ici. Grammar 2. Subject pronouns. Learning drills. Learning drill 1. Ma sœur est en vacances. Elle est à Paris. Ma sœur est en vacances. Elle est à Paris. Ma fille est en vacances. Ma fille est en vacances. Elle est à Paris. Mon amie Janine est en vacances. Mon amie Janine est en vacances. Elle est à Paris. Janine est en vacances. Janine est en vacances. Elle est à Paris. Ma mère est en vacances. Ma mère est en vacances. Elle est à Paris. Mademoiselle Courtois est en vacances. Mademoiselle Courtois est en vacances. Elle est à Paris. Madame Durand est en vacances. Madame Durand est en vacances. Elle est à Paris. Mon amie Janine est en vacances. Mon amie Janine est en vacances. Elle est à Paris. Ma sœur est en vacances. Ma sœur est en vacances. Elle est à Paris. Learning drill 2. Mon frère est en vacances. Il est à Paris. Mon frère est en vacances. Il est à Paris. Mon père est en vacances. Mon père est en vacances. Il est à Paris. Mon ami, Monsieur Lelong, est en vacances. Mon ami, Monsieur Lelong, est en vacances. Il est à Paris. Monsieur Durand est en vacances. Monsieur Durand est en vacances. Il est à Paris. Mon fils est en vacances. Mon fils est en vacances. Il est à Paris. Le frère de Janine est en vacances. Le frère de Janine est en vacances. Il est à Paris. Monsieur Leland est en vacances. Monsieur Leland est en vacances. Il est à Paris. Mon frère est en vacances. Mon frère est en vacances. Il est à Paris. Learning drill 3. Ma femme et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Ma femme et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Ma femme et ma sœur sont en vacances. Ma femme et ma sœur sont en vacances. Elles sont à Paris. Ma sœur et ma fille sont en vacances. Ma sœur et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Janine et ma sœur sont en vacances. Janine et ma sœur sont en vacances. Elles sont à Paris. Mademoiselle Courtois et ma fille sont en vacances. Mademoiselle Courtois et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Madame Durand et ma femme sont en vacances. Madame Durand et ma femme sont en vacances. Elles sont à Paris. Ma sœur et Madame Durand sont en vacances. Ma sœur et Madame Durand sont en vacances. Elles sont à Paris. Ma femme et ma fille sont en vacances. Ma femme et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Learning drill 4. Mon mari et mon fils sont en vacances. Ils sont à Paris. Mon mari et mon fils sont en vacances. Ils sont à Paris. Mon frère et mon mari sont en vacances. Mon frère et mon mari sont en vacances. Ils sont à Paris. Mon fils et mon frère sont en vacances. Mon fils et mon frère sont en vacances. Ils sont à Paris. Mon frère et Janine sont en vacances. Mon frère et Janine sont en vacances. Ils sont à Paris. Janine et mon fils sont en vacances. Janine et mon fils sont en vacances. Ils sont à Paris. Monsieur et Madame Durand sont en vacances. Monsieur et Madame Durand sont en vacances. Ils sont à Paris. Mon père et ma mère sont en vacances. Mon père et ma mère sont en vacances. Ils sont à Paris. Les enfants sont en vacances. Les enfants sont en vacances. Ils sont à Paris. Les parents de Janine sont en vacances. Les parents de Janine sont en vacances. Ils sont à Paris. Ma femme et mon fils sont en vacances. Ma femme et mon fils sont en vacances. Ils sont à Paris. This is the end of tape 3, unit 1.